bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones du 12 janvier 2015. Pour deux heures de rock progressif, vous êtes à l'antenne de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières à partir du campus de l'Université du Québec. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec mes collaborateurs habituels, Denis Marchand et Yves Farley. Ce soir à l'émission, nous avons Ignatius d'Espagne, la Conscienza di Zeno d'Italie, nous avons Morse Code Transmission et Morse Code, Cosmographe des États-Unis, Lalo Hubert d'Argentine, Iceberg d'Allemagne, Dave Kirzner des États-Unis, Taylor's Universe du Danemark, Runaway Totem de l'Italie et Frog Café des États-Unis. Alors, on débute l'émission avec le groupe Ignatius, qui est un nouveau groupe, en fait, sur la scène du rock progressif espagnol. Ils ont un seul album en 2011 qui s'appelle Lights from the Deep. Et nous allons entendre la pièce extraite de cet album-là. La pièce s'intitule Morning Moon. Alors, voici Ignatius. Thank you. Alors, c'était le groupe espagnol Ignatius avec la pièce Morning Moon et c'est extrait de l'album Lights from the Deep. On va enchaîner avec un groupe italien qui est assez récent et c'est un groupe qui s'est formé en 2007. On leur connaît deux albums studio, un en 2011 et un en 2013. C'est extrait de l'album de 2013, Sensitivita, que vous allez entendre la pièce La Temperanza. Alors voici la Coscienza di Zeno. Un baratto rosa. Cartoni vuoti oramai che raccoglievano i ricordi tuoi, frammenti di un giorno di festa in famiglia allargata, sensualità di nascosto dal bimbo mi respiravi addosso. Perché hai traslocato altrove la tua anima? Hai traslocato altrove. Piantato a fondo, ben dentro cervello. Vous venez d'entendre le groupe La Coscienza di Zeno avec la pièce La Temperanza et c'est tiré de l'album Sensitivita qui est paru en 2013. Là, je vais faire un petit changement à la programmation. J'avais prévu présenter Morse Code Transmission, mais je vais attendre à la fin parce que, dans le fond, j'ai trois pièces de Morse Code qui montrent une gradation entre leur début et l'album La Marche des Hommes qui est paru en 1975. Alors, en séparant les pièces comme je l'ai fait, j'ai perdu un petit peu l'intention que je voulais faire. Alors, on va passer tout de suite à Cosmograph, qui est un groupe américain. C'est un groupe que j'ai déjà fait jouer à l'émission, mais j'ai un auditeur, Denis Guillaume, qui me faisait remarquer que il y avait peut-être quelque chose à faire avec le nouvel album, le Capacitor, qui est paru en 2014. Je l'avais écouté et laissé un peu de côté, alors on va reprendre ça. Et je vais vous faire entendre la pièce de Spirit Capture. Je rappelle que Cosmograph en est déjà rendu à 5 albums studio. Alors voici The Spirit Capture de l'album Capacitor, qui est paru en 2014. demonstration, I would like to explain some basic physics. Energy cannot be created or destroyed, but only converted from one form to another. Within the electrical device. Alors, c'était Cosmographe avec la pièce The Spirit Capture. C'est tiré de l'album Capacitor, leur dernier qui est paru il y a quelques mois. Après la pause, Lalou Hubert, Iceberg et Dave Kirshner. Alors, c'était Lalo Hubert, claviériste du groupe argentin Nexus, avec la pièce In the Labyrinth, et cet extrait du seul album qu'il a produit en 2009, Lost in Kali Yuga. Le prochain groupe, on va aller du côté de l'Allemagne avec Iceberg. Iceberg, qui est un nouveau groupe, mais pas avec des nouveaux musiciens. En fait, on parle ici des musiciens d'Argos et de Super Drama qui ont fait un projet parallèle qui, en fait, ils ont ressuscité Iceberg qui avait été formé au début des années 80 par les membres qui finalement ont quitté le groupe et ont formé Argos. Et tout récemment, ben, des membres d'Argos aussi ont fait un projet parallèle avec Super Drama et là, on arrive avec un nouveau projet qui est Iceberg. On entendra la pièce Crossed Until the Resurrection et c'est tiré de l'album Blue. Ça vient de paraître il y a quelques semaines. Alors voici Iceberg d'Allemagne. We'll be right back. Alors, on vient d'entendre le groupe allemand Iceberg avec la pièce Closed Until the Resurrection et c'est tiré de l'album Blue. On enchaîne la dernière pièce de ce bloc avec Dave Kirshner qu'on a fait jouer déjà à l'émission. C'est la troisième ou quatrième pièce de l'album qu'on fait jouer. C'est donc dire qu'il y a pas mal de matière sur cet album-là, de qualité. C'est, je pense qu'il va se qualifier pour un des meilleurs albums de 2014. Là. C'est à peu près certain. Alors, ce qu'on va entendre, c'est Stranded Part 1 to 5 et c'est extrait de New World. Alors, voici Dave Kirshner. Thank you. Alors, c'était Dave Kirshner avec la pièce Stranded Part 1 to 5. C'est extrait de l'album New World qui est paru juste avant les fêtes. Après la pause, Taylor's Universe du Danemark, Runaway Totem de l'Italie et Frog Café des États-Unis. Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones pour la deuxième heure de l'émission. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley jusqu'à 22h pour du rock progressif. On débute le troisième bloc de l'émission avec un groupe danois, Taylor's Universe, qui sont actifs depuis 1993. Ils ont déjà 13 albums studio. On en a fait jouer un petit peu la semaine dernière. On reprend ça avec une deuxième pièce de l'album Evidence qui est sorti en 2013 et la pièce s'intitule Red Afternoon. Alors voici Taylor's Universe. Thank you. Alors, c'était Taylor's Universe du Danemark avec la pièce Red Afternoon et c'est tiré de l'album Evidence qui est paru en 2013. Là, on va jouer d'audace un peu. C'est un groupe italien avec un genre musical qui n'est pas très fréquent en Italie. On parle ici du Zeul, qui est Zeul étant surtout... dans les plates-bandes de Magma et de Amondoul, mais quand j'ai vu sur Prog Archives qu'il y avait un groupe italien qui s'y adonnait, ça a attiré ma curiosité. J'ai découvert que le groupe avait quand même 9 albums studio depuis les 20 dernières années. Et j'ai fait un échantillonnage ici et là. J'ai tombé sur une pièce qui, moi, m'intéresse. Je vais un petit peu approfondir ce groupe-là dans les prochaines semaines. On en dit beaucoup de bien sur Prog Archives. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu de Zeul, voici Runaway Totem avec la pièce Isola Sacra. C'est tiré de l'album Tep Zeppi qui est paru en 2002. Mondo invisibile di tuo Alors, c'était Runaway Totem avec la pièce L'Isola Sacra, et c'est tiré de l'album Tep Zepi, paru en 2002. Dans le genre, les rois incontestables du Zeus sont Magma, et j'apprends qu'ils seront à Victoriaville le 16 mai, je crois, pour durant la convention, si je peux appeler comme ça, de la musique nouvelle de Victoriaville. Alors, surveillez ça sur les sites Internet. Et ça pourrait aussi que Magma soit de la convention Terra Cognita le vendredi 15 ou 16 mai. Là, j'ai pas le calendrier devant moi, mais c'est pas confirmé. Par contre, le prochain groupe qu'on va entendre, Frog Café, lui, est confirmé pour le dimanche. Je pense que c'est le 17 mai. Et ils vont ouvrir la journée, le Frog Café. Et la même journée, il y aura aussi les Italiens Il Castello di Atlante, et ça sera suivi en fermeture de la convention avec Caipa da Capo, avec le guitariste Ron Stolt de Flower Kings et aussi de Tangent et aussi de Transatlantique, je crois. Alors là, on va entendre Frog Café, qui est un groupe italien qui est assez on dirait éclectique, si on peut dire. C'est un mélange de Mahavishnu Orchestra avec Equaline, Chicago, Zappa. Alors, c'est assez intéressant. Ils seront, comme je l'ai dit, à la convention Terra Incognita. Ils ont 5 albums studio. Et ce qu'on va entendre, c'est plutôt un album live qui est paru en 2007. L'album s'intitule « Safenzi Diaries ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Kagut, Frog Café ». Thank you. We'll be right back. Nick Lieto and John Lieto. Bill Ayers on the gamble end, Stevie Young. Alors, c'était Frog Café avec la pièce Gagout, et c'est tiré de l'album live de Safenzi Diaries. Alors, si vous voulez les voir et les entendre, ils seront à Québec au Centre d'art La Chapelle le 17 mai en après-midi. Et les billets sont en vente sur Internet. Alors, nous voici rendus au dernier bloc de l'émission qui est habituellement consacré aux pionniers du rock progressif. Et ce soir, on fait un petit retour en arrière avec le groupe québécois Morse Code. Ça fait quelque temps que je cherchais les deux albums anglophones du groupe. Le premier, en fait, c'est des albums éponymes, Morse Code Transmission, qui s'appelait à l'époque. J'avais jamais entendu les pièces et puis je me demandais à quoi ça pouvait ressembler. Alors, on fait un petit peu d'anthropologie là, pour ceux qui ne connaissent pas Morse Code, en montrant deux pièces de ces albums-là anglophones. Et on va conclure avec l'album francophone qui est paru 3 ans plus tard, La marche des hommes. Alors, tiré de l'album Morse Code Transmission, en anglais, on va entendre Freedom Train. C'était en 71 et ça ressemble un petit peu à la pièce Hush de Deep Purple. Ensuite, l'année d'après, ils ont produit Morse Code Transmission 2 et on va entendre The Graveyard Men. Et en conclusion de l'émission, la très belle pièce La marche des hommes. Alors, voici Morse Code. And if I said I would honor any promise to you, it's no use to pretend. Say hi to the beam. Sweet voice say that loving me was forever, and who could ask for more? But you called it a game. Remember my name. Time can change. Over.